Qu'est-ce que tes enfants ont dit de moi ? Demanda Valérie à Crevel dans un moment où elle le tint près d'elle sur sa causeuse. Bien des horreurs. Ils prétendent, répondit Crevel, que tu aimes Venceslas d'une façon criminelle, toi, la vertu même. Je crois bien que je l'aime, mon petit Venceslas, s'écria Valérie en appelant l'artiste, le prenant par la tête et l'embrassant au front. Pauvre garçon sans appui, sans fortune, dédaigné par une girafe couleur carotte. Que veux-tu, Crevel ? Venceslas, c'est mon poète, et je l'aime au grand jour comme si c'était mon enfant. Ces femmes vertueuses, ça voit du mal partout et en tout. Ah ça, elle ne pourrait donc pas rester sans mal faire auprès d'un homme ? Moi, je suis comme les enfants gâtés à qui l'on n'a jamais rien refusé. Les bonbons ne me causent plus aucune émotion. Pauvre femme, je les plains. Et qu'est-ce qui me détériorait comme cela ? Victorin, dit Crevel. Eh bien, pourquoi ne lui as-tu pas fermé le bec à ce perroquet judiciaire, avec les 200 000 francs de la maman ? Ah, la baronne avait fui, dit Lisbeth. Qu'ils y prennent garde. Lisbeth, dit madame Marneffe en fronçant les sourcils, ou ils me recevront chez eux, et très bien, et viendront chez leur belle-mère, tous, ou je les logerai, dis-leur de ma part, plus bas que ne se trouve le baron. Je veux devenir méchante à la fin. Ma parole d'honneur, je crois que le mal est à la faux avec laquelle on met le bien en coupe.